C'est bien. Certains d'entre vous ont retrouvé la raison, mes amis. Approchez-vous de mes associés du Parti de l'Amitié. Et je demanderai aux forces de l'ordre ainsi qu'aux perso-corps de continuer à rester bien sagement en retrait. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans le corps de l'ange de Windman Lukum. Ce qui signifie que personne n'a pu atteindre la salle des serveurs dans laquelle je me suis barricadé. Messieurs, dames, vous avez donc choisi de ne plus être des otaku. Je vous en remercie. Et bien maintenant, vous allez devoir tenir parole. Comme vous pouvez le constater, les coachs Netero Sensei et Soccer Cyborg se sont réfugiés à l'intérieur comme des lâches dès le moment où je suis apparu. Alors à présent, je vous prie de vous rendre dans la zone des entraîneurs. Vous allez placer sur votre tête, chacun votre tour, le casque permettant au coach de communiquer avec leur joueur. Et grâce à celui-ci, qui n'est relié à aucun ange de combat, je vais pouvoir utiliser un programme informatique qui va supprimer de votre esprit toute cette culture superflue qui embrouille votre esprit. Et ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez qu'un léger picotement. Mademoiselle, comment vous appelez-vous ? Ryuko ? Très bien, Ryuko. Vous êtes une otaku diplômée depuis combien de temps ? Environ 10 ans. Oui, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études il y a une dizaine d'années. Ah, 10 ans. Et que faites-vous dans la vie ? Rien. Je n'arrive pas à trouver du travail. Bien évidemment. Car le monde extérieur n'est pas fait pour les otaku. On vous bourre le crâne avec des futilités qui ne préparent pas à la vie active. C'est vrai que, bien que j'aime cette culture, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir avancer dans ma vie. Comme si j'étais prisonnière. Et oui, car les otaku passent leur temps à lire, à regarder des animés ou à jouer. Mais seule une poignée d'entre eux trouve un travail décent dans le domaine. Les autres finissent par sombrer dans une spirale sans fin. Je vous propose de mettre un terme à cette illusion. Et une fois la culture otaku chassée de votre esprit, le Parti de l'Amitié vous aidera à repartir sur le droit chemin en vous instruisant. Nous allons vous proposer des cours adaptés et des formations en alternance pour faciliter votre retour à la vie normale. Une vie où le Japon n'est qu'un pays comme tant d'autres. Une vie où vous serez plus ouvert au monde qui vous entoure. Allez, mademoiselle Ryuko, posez le casque sur votre tête. Non. Ah, attendez. Rouille-toi. Aïe. Ow. Mademoiselle Ryuko, comment vous sentez-vous ? Bien, je crois. Oui, c'est drôle. J'ai l'impression que cela fait très longtemps que je n'ai pas été aussi détendue. Ah, vous m'en voyez ravi. Puis-je vous poser une simple question ? D'après vous, quel est le métier de Naruto ? Naruto ? Vous parlez du vieux monsieur près de chez moi qui s'occupe des fleurs à l'hôpital Meijiro ? Parfaitement. Et dites-moi, est-ce que vous lisez des mangas ? Quand j'étais petite, je me souviens que j'aimais bien. Mais ça fait des années que ça ne m'intéresse plus. Comme je vous comprends. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous occuper de vous. Vous pouvez suivre un de mes amis et vous pourrez sortir du stade. Bien, vous avez pu le constater par vous-même. Rejoignez-moi pour une vie meilleure. Et dès demain, nous proposerons cette méthode aux otaku du Japon qui veulent s'en sortir. Et dans quelques jours, le monde entier pourra en bénéficier. Vous avez entendu ça ? Il va falloir se grouiller. Ouais, il est en train de lobotomiser les gens. Mais faut reconnaître que ce qu'il dit est pas totalement faux. Mon oncle m'a donné l'autorisation pour cette opération. Par contre, on a que 10 minutes avant qu'il fasse sauter la porte de la salle des serveurs. Finalement, je suis pas le seul à avoir une idée de tout faire péter. S'ils font ça, ça va endommager la mini-arène et tous les joueurs vont certainement mourir. Javelfort, vous êtes certain d'avoir les matériaux qu'il vous faut ? Oui, pas de problème, j'y suis presque. Devils, passe-moi la clé à molette, veux-tu ? Juan, ça va là-haut ? Ouais, j'ai le câble et le plan des conduits sur ma montre connectée. Y aura suffisamment de longueur de câble, Juan, t'as pas à t'en faire sur ce point ! T'as pas intérêt de te foirer, Tid ! Ça y est, j'ai fini le bras robotisé ! Super, je vais lui passer. Tiens ! Ok, j'y vais. Alors, tu t'en sors ? Bah, c'est dégueu, y'a des rats qui se baladent. Je déteste les rats. Je préfère encore les araignées. Ah, j'y suis. Ah, c'est étroit, je peux pas avancer plus. C'est parti, je vais dévisser la plaque. Allez, on n'a pas toute la journée. La ferme, Dracho. Voilà, c'est bon. Tu vois quelque chose ? Oui, je pense. Oui, il y a le corps d'Ami. Il a son casque de réalité virtuelle sur la tête. Par contre, j'arrive pas à voir qui c'est. Il a son masque sur le visage. Tu peux le décrire ? C'est un homme, je dirais la trentaine, assez grand et baraqué. Alors ça m'étonnerait que ce soit Grindelwald. Clipse le câble dans l'encoche du bras robotisé. C'est fait. Maintenant, passe le complètement hors du conduit, grâce aux manches. C'est pas facile. Ok, j'y suis. Et donc, j'appuie sur le bouton? C'est ça. Le bras va doucement se déplier et tu vas devoir viser la prise rouge qui se trouve à côté sur le pupitre de commande de la mini-arène. C'est pas du mochi. Un peu plus à droite, un peu plus haut... Yes! T'as réussi! Bravo, petit frère! Comme quoi, ça aide de jouer à Call of Duty. Je vise comme un as! Bien! À moi de jouer! Du coup, je fais comme on a dit, je place l'ange de Dracho dans la mini-arène. Wow! Les mecs ont vraiment réussi à verrouiller tout le code de l'Angelic Killer! Il est impossible pour les joueurs de réintégrer leur corps de leur propre chef par la pensée, comme c'est généralement le cas! Honnêtement, ça me prendrait minimum une semaine pour reprendre le contrôle. Ah, ça veut dire qu'il nous est impossible d'expulser Ami du jeu manuellement, ni de placer une nouvelle poupée de combat dans l'arène comme on avait prévu. Quoi? Mais comment on va faire? J'ai bien une solution, mais... Dis toujours. Il faudrait faire comme lui. Malfait devra entrer dans le monde virtuel par l'intermédiaire d'un ange déjà sur place. En gros, de ce que je vois, les esprits de tous les joueurs des équipes des États-Unis et du Tibet sont pour le moment dans le Void. Un genre de salle d'attente. C'est une image, hein, c'est comme s'ils étaient dans un coma artificiel entre notre monde et celui virtuel. Ça veut dire que je peux choisir un des anges pour l'intégrer? Bah, direct, je prends celui de Shoot McMahon, hein. C'est le seul qui peut rivaliser avec celui de Wingman Lukum. Ça pourrait le faire. D'accord, je vais programmer ça. Je vais aussi bloquer son code lui permettant de détruire le Void. Mais on dirait que ça se renouvelle toutes les minutes. Ah, il faudra que tu l'affrontes et que tu le détruises pour qu'il soit renvoyé dans son corps. Ah, pendant ce temps, je vais devoir faire sortir les joueurs à la main un par un. Mais ça risque d'être assez long. Et s'il te bat, tu réintégreras directement ton corps. Je vais lui faire mordre la poussière. Sauf que s'il se sent proche de perdre, il risque d'intégrer un autre ange. Tout va être une question de timing. Écoute-moi, gamin. Il faut que tu le maintiennes occupé jusqu'à ce que j'ai réussi à faire revenir chaque joueur. Ensuite, tu le bats, puis tu te suicides dans le jeu pour que je vous expulse tous les deux. Il sera renvoyé dans son vrai corps et ne pourra plus retourner dans l'Angelic Killer. Et comme ça, il sera obligé de se rendre. Ok, je le démonte, je me suicide, et hop, emballez ses pesées. T'es sûr d'avoir tout compris? Tu dois... Ah, ça suffit! File-moi le casque! Bon, très bien, Malfait. Prépare-toi. Moi, je redescends. J'en ai ma claque. Bande de quiches! C'est encore moi, Dracho Malfait, le commentateur! J'ai pris le contrôle de l'ange de combat de McMahon! Maintenant, je vais désinguer l'autre troufion qui se fait appeler Ami et je vais tous vous libérer! Comment? Mais c'est impossible! Rien de plus simple pour mon cerveau supérieur! Les otaku ne sont pas aussi faibles que tu ne le penses! Si tu tentes quoi que ce soit, je tue les otages. Il me suffit de détruire le Void. Ah ouais? Tu peux toujours essayer! Morgane était désactivée? Oui, je la vois. Elle est de retour dans son corps? Mais comment ça se fait? C'est grâce à ma surpuissance! N'importe quoi, n'importe quoi! Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui a repris le contrôle de la salle des serveurs! Et pourtant, c'était en circuit fermé! Et faire sauter la porte, ça nous aurait tués! Peu importe. Vous l'aurez voulu. Vas-y, je t'en prie. Que... Ah, d'accord. Il y a un petit futé qui veut contrecarrer mes plans. Dans moins d'une minute, le code sera renouvelé et je vais tuer les otages. Tu n'en auras pas le temps. Tu es trop faible, gamin. L'Angelic Killer, c'est pas pour les amateurs. Tu tiens vraiment à te ridiculiser devant tous ces gens? T'es pas si naze, finalement. Je vais devoir y aller à fond. L'ange de combat de Macron est plutôt résistant avec son armure coûtée sous 260. Mais ça ne suffira pas, et je... La minute est écoulée. Batte secrète, technique du vent divin obscur, Biako. Ok, tu as bien endommagé l'ange de Lukum, et je n'ai pas réussi à tuer l'otage. Il est temps de changer de corps. Non, pas ça. Tant qu'il reste des joueurs sur le terrain, je peux me réincarner. Ah, Il a pris l'ange de Linji, le capitaine du Tibet. Et il a fait apparaître un katana. Bon, tu m'as bien amusé, petit. Je parie que tu vas pouvoir te vanter d'avoir tenu tête à Ami. Mais une fois que j'en aurai fini avec toi, je vais bannir ce petit hacker de pacotille de l'Angelic Killer. Et nous pourrons reprendre où on en était. L'ère des otaku touche à sa fin, comme il était écrit. Oh, il est vraiment trop balèze. Je vois pas comment le battre. Et voilà. Cette petite plaisanterie n'a que trop duré. Il ne reste que Wingman Lukum sur le terrain, et je viens de bloquer le hacker, messieurs dames. Il n'y a qu'un moyen pour vous de sauver Lukum et de sortir d'ici. C'est en renonçant définitivement à votre culture. Voyez déjà comme des centaines de personnes s'y sont résolues. Descendez. Et dans quelques instants, tout ça sera derrière vous. Vous aurez alors une chance inouïe, celle de recommencer à zéro. Ne pensez-vous pas que vos talents pourraient être bien mieux utilisés? Les ingénieurs, par exemple, au lieu de faire des constructions ridicules, genre une tour carine volante, ne voyez-vous pas vos qualités utilisées pour quelque chose de bien plus noble? La conquête spatiale? Les énergies renouvelables? Est-ce que ce que je vous dis vous paraît si insensé? C'est normalement impossible! Eh oui, j'y suis parvenu! Aussi vrai que je m'appelle Wingman Loku! Ce n'est pas la première fois que quelqu'un prend le contrôle de mon corps. Pendant l'examen des Hunters à Jobar, j'ai été manipulé par l'œil de la tribu des Kuruta, un des Macross 7, une arme technologique de celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Après ça, j'ai travaillé jour et nuit dans le monde virtuel, jusqu'à ce que je réussisse à m'extirper d'une influence externe. Tant que tu avais le contrôle de mon ange de combat, ce n'était pas possible. Mais on dirait que le blondinet réussit à te faire changer de corps. Ça m'est égal, mais je dois dire que ça change mes plans. Puisque les otaku veulent la guerre, ils vont la voir. Il me suffit de contacter mes partisans pour qu'ils me fassent sortir de la salle des serveurs. Mais je te réserve une surprise avec une technique au sabre particulièrement belliqueuse. Tu vas goûter l'une des trois techniques interdites de la K, le Renzokuken. Tu sais, ces attaques qui sont si rapides qu'elles peuvent tuer l'ennemi. Yuan en avait déjà fait les frais. Autant d'un point de vue tactique que technique, tu es fichu. Ça y est, je sais qui tu es. De quoi? Oui, tout est logique maintenant. Tu es Dimitri Polyakov, le capitaine de l'équipe bulgare. Il n'y a que toi qui parles comme ça. Je te reconnaîtrai entre mille. En réalité, tout ça, c'est juste pour te venger, n'est-ce pas? Tu as utilisé toute cette histoire avec Ami et son parti de l'amitié créé il y a longtemps par Grindon Vern, le type qui a suivi à la lettre les prédictions de Don Banawa en faisant un carnage. Mais en fait, tout ce que tu souhaitais, c'était supprimer la culture otaku juste parce que tu as été humilié lors des qualifications? Je connais bien mon ancien capitaine, mais je ne te croyais pas aussi lâche. Ok, j'ai plus le choix. Je vais retirer la modulation de ma voix. Lukum, tu es bien perspicace. En effet, c'est bien moi. Mais je ne regrette rien. Si au début j'ai inventé tout ça, c'était bien pour me venger. Cependant, je suis à présent totalement dévoué à la cause du parti de l'amitié. La culture otaku est une aberration. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre prendra ma place. Tu as complètement perdu la tête. Toutes ces heures à s'entraîner à l'Angelic Killer, à s'échanger des Blu-ray d'animés inconnus, ou bien à écouter des OST. J'ai même rencontré ta femme et tes enfants. Le petit Nikolai à qui tu apprenais le kendo, et qui doit aller à l'Institut Berserk l'an prochain. Tout ça doit bien avoir encore de la valeur pour toi. Je veux leur léguer plus qu'un monde dans lequel les gens sont aussi égoïstes que vous. Dans ce cas, tu es perdu. Non, c'est toi qui es abusé par cette secte. Polyakov, ici le coach Fullbuster. Je t'en conjure, rends-toi aux autorités. C'est trop tard, ton plan a échoué. La ferme! Reste en dehors de tout ça, toi. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait subir toutes ces années. Toute cette souffrance. Et sans arrêt, comparé à ce gamin, Wingman Lukum, le génie de l'Angelic Killer. Après mon échec lors des qualifications, Tu as encore une fois déversé toute ta haine sur moi. C'était pour te motiver, pour te rendre plus fort. Tais-toi ! Plus un mot. Puisque c'est ainsi, je vais en finir avec l'illustre Lukum. Renzo Kuken ! Hein ? Sûrement pas. Hein, Makakeru ? Le dragon divin ! Que... Comment as-tu pu contrer ? Les techniques interdites. Niten Ichiryu, Amakakeru et Renzo Kuken. Tu ne le savais pas, mais en secret, le coach Fullbuster me les a aussi enseignés. Seule une technique interdite peut en bloquer une autre. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Wota ! Radma Devils, vous voyez, le petit jeune dont tout le monde parle ce soir. Eh ben, j'ai tout de suite vu le potentiel de ce jeune homme. Il est dégourdi, il a du tempérament. Non mais vraiment, il a de l'avenir ce petit. Barman, vous pouvez me remettre un chouchou s'il vous plaît? Un double. Avec une petite assiette de senbei en apéritif. Hein? Merci mon brave. Et donc comme je vous le disais, il a géré la crise en sous-marin. Il a su bien s'entourer, il a mené une mission périlleuse. J'ai entendu dire qu'il allait être embauché au ministère anglais de la Japatitude dans le département des jeux et sports otaku, et qu'il serait dans l'équipe qui va s'occuper du renouveau de l'Angelic Killer. Je suis fier d'avoir pu dénicher un tel talent. De ce que j'ai entendu, les ministres veulent tout de même clore le match pour ne pas perdre la face. Beaucoup de spectateurs sont partis, mais l'annonce que tout était revenu à la normale et que Polyakov s'était rendu a fait rester les plus fidèles otaku fans d'Angelic Killer. Force Grise a fait éparpiller les pro-comics hors du stade, et la police a interpellé les autres membres du Parti de l'Amitié. Mais je suspecte que beaucoup se sont enfuis. Tout ceci a grandement fragilisé la communauté, et je ne serais pas étonné de voir arriver une grande réforme de l'enseignement dans les mois à venir. Et est-ce que je vous avais dit que je suis en pleine négociation avec le professeur Madame Ingall pour intégrer la grande école de Jobar une fois rebâtie ? Eh ben je vous le dis, je vous lâche ça comme ça. J'ai toujours voulu y enseigner. Je suis un grand connaisseur d'animé, voyez-vous. Normalement, je serai le directeur de la maison Cobra en remplacement de Cerberus Snap. J'aurai enfin la possibilité d'avoir le petit Dracho Malfait dans ma classe. Lui aussi, c'est un sacré phénomène. J'ai eu quelques différends avec son père une fois quand il travaillait au ministère, mais c'est du passé tout ça. Et puis aussi, je pourrais avoir affaire au célèbre Hachipoa. Les animés... Ah, oh, c'est quelque chose de très particulier. C'est un univers incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein ? Hein ? Vous en pensez quoi ? Quoi ? Pardon, ça fait une demi-heure que je vous écoute plus. Il est l'heure de retourner dans les loges. Ils vont terminer le match. Ah oui ? Ah, attendez, je prends de quoi grignoter et je me joins à vous. J'aurais bien aimé boire un verre avec mon vieil ami Harid, mais il est déjà dans un coma éthylique, c'est dommage, hein. En fait, je vous ai déjà dit que j'ai connu votre maître Oniwaban dans ma jeunesse. Si, si, je vous jure, c'était mon professeur de ninjutsu. Bon, clairement, j'étais le meilleur élève de sa classe. Ah, et il paraît que vous connaissez l'acteur Jean-Claude Van Damme. Est-ce que vous pourriez me le présenter ? Je suis particulièrement fan de ses films. S'il vous plaît. Et nous sommes de retour! Nous allons enfin pouvoir reprendre le match. Tous les joueurs et les coachs sont d'accord pour reprendre là où nous nous en étions arrêtés avant l'intervention des malfaiteurs. Et ouais, c'est encore moi, Malfait, Dracho Malfait! Non, j'ai dit malfaiteur. Bande de boulets! J'espère que vous vous souviendrez longtemps comment j'ai risqué ma vie pour délivrer Wingman Lukum! C'est surtout Javel Fort qui a fait la plus grosse partie du boulot. Ah ouais? Et toi, Poa, t'étais où pendant l'attaque ? Planqué dans les toilettes ? Non, en fait, j'étais en train de... Oui ? J'attends ? Il ne faut surtout pas que tu dises tout ça à qui que ce soit. Est-ce que je peux te faire confiance ? J'étais planqué. Ouais, c'est ça. Et c'est toi qu'on appelle l'élu. Tu fais pitié. J'ai jamais vu de type aussi inutile depuis Armin McMuffin de la maison Bisounours. Encore un nom à coucher par terre. L'expression, c'est coucher dehors. Et t'es stupide en plus. T'es sûr? Non, parce que moi j'ai toujours dit comme oncle Venom. Hein. Nom de nom, Paua. Tu vas coucher par terre. Allez, Oust, sur le palier. Je te domine dans tous les domaines, même en langue française. Pour mes admirateurs, je serai disponible après le match pour vous signer des autographes. Bref, nous retrouvons Monsieur Miyagi qui va siffler la reprise sur un score de 9 à 20 en faveur du Tibet. Et c'est reparti! Oh! Les handbreakers et les shooters des deux équipes se placent en défense. Les deux speedjumpers se font face dans le rond central. Oui, effectivement, je viens d'apprendre qu'ils ont convenu d'un combat final pour mettre un terme à ce match. Ouais, je comprends, c'est plus sage de clôturer de cette façon. Il vaudrait mieux ne pas faire durer la rencontre avec tout ce qui s'est passé. Il reste encore une chance aux États-Unis pour vaincre. Cela dépendra de la prestation de Shoot McMahon. On y est! Grosse sale attaque de Lukum, contrée par l'Américain! McMahon donne un coup de pied dans les jambes de Wingman Lukum, mais celui-ci esquive avec un flip arrière. Ça continue à se bastonner! Lukum tient son sabre à deux mains et porte ses coups avec une maîtrise incroyable! Sa réputation n'est plus à faire! L'Américain lance l'attaque du calibre 36 et il enchaîne avec celle du couper la terre! Des classiques de l'Angel Killer, il nous régale! Lukum évite de justesse les deux coups qui ont fondu l'air! Il court vers McMahon et fait tourbillonner sa lame pour tenter de désarmer! Mais celui-ci compte encore une fois et il recule! Les deux combattants ne sont à présent qu'à 2 mètres de distance. Un vrai duel de samouraï. Chacun fixe l'autre. Oh ! Ils rangent leur sabre dans leur fourreau et ils se mettent dans une position pour dégainer. Ils se courbent, placent leurs mains au-dessus du manche. Wingman Lukum a terrassé son adversaire. Le coup était précis et d'une puissance folle. Le Kintama est lancé d'un éjecteur et il le récupère. Il est seul face au panier, il prend son élan, saute et marque. Il a explosé le panier. C'est un slam dunk. Le Tibet est champion du monde. Ce n'est que justice. Même sans interruption, ils ont dominé tout le match. La foule acclame Lukum, qui confirme son statut de légende du poste de speedjumper. Mais les États-Unis n'ont pas à rougir de leur prestation puisqu'il y a assez peu de joueurs d'AK professionnels dans cette contrée pro-comics. Les joueurs se déconnectent et viennent saluer le public. Et c'est pour nous l'heure de se quitter. Merci à tous et nous allons laisser le mot de la fin dans quelques instants à Lucie Bouyaka et Ludo Temé. Allô ? Allô ? Oui, c'était juste pour vous dire que ma prédiction était exacte. Le Tibet l'a emporté. De quoi ? Mais pas du tout. Mais enfin si, si. Souvenez-vous, lors du match France-Mexique, je l'avais prédit. Ouais, c'est ça. Oh, mais écoutez ça, c'est Dumbanawa qui vous parle de l'au-delà. Incroyable. C'est du grand spectacle. Ouais, merci à tous. Et pour vous, chers admirateurs, je vais maintenant interpréter le premier opening de One Piece. Vous allez voir comment je suis aussi hyper fort en chant. Jeff, tu nous mets ça ? On a les droits pour ça. Bon, après tout, moi je m'en fous. Je le passe, on verra bien. Par contre, moi après ça, je prendrai bien des vacances. Genre à la montagne, sans aucun appareil électronique. Et de la randonnée. Oui, de la randonnée. Ça va être bien. Ah, j'ai enfin pu me débarrasser du vieux croulant. Je sais pas comment il peut avaler autant de bouffe. Mais moi, la seule grainerie suffit à me nourrir pendant 2 jours. Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu. Mais, maître Oniwaban ? Je suis désolé d'avoir échoué à la mission et j'en mange ça. Grand maître ou grand dame, vous ici ? Ben oui, j'aime le sport. Le sport, c'est la vie. La vie, c'est quoi ? C'est la terre. C'est le ciel. C'est les légumes. Tu manges des légumes ? Oui, du soja, oui. Ça, c'est bien. C'est important. Good boy. Règle numéro 64753, il faut se nourrir pour être en forme et pour pouvoir faire des grands écarts. Sauf si tu es au régime, ok ? Je note. Merci, grand maître. Bon, maintenant, Oniwaban, il va falloir que tu fasses un peu mieux travailler tes élèves. Biceps, quadriceps, mais aussi le cerveau. Your brain, ok ? Un esprit sain dans un corps de rêve. Look at me. J'ai 226 ans et on dirait que j'en fais 40. Bon, c'est vrai que j'avoue, je vais sur mes 227. Mais bon, dans quelques jours, c'est pour le principe. et garde un œil sur les stocks des bandeaux de ninja. Ni trop peu, ni trop pas assez. Understand? Très bien. Et check les réappros de DVD de Bloodsport. C'est très important. Allez, on y va. Et c'est ainsi que s'achève la 424e et dernière Coupe du Monde d'Angelic Killer. Que d'émotion! Eh oui, elle restera dans les mémoires comme la plus incroyable de toutes. Enfin, peut-être après la 15e, mais il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas en virtuel. Et du coup, c'était plutôt sanglant. Les équipes du Japon et de la France s'avancent au centre du terrain pour recevoir tous ensemble la médaille de bronze. Ils sont suivis pour l'argent des joueurs des États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas démérité. Ils ont fait un excellent parcours, ils sont chaudement applaudis par les tribunes. Bravo à eux. Et c'est le moment que vous attendiez tous. Les Tibétains se voient remettre les médailles d'or ainsi que le trophée. Leur coach Netero Sensei, qui étonnamment est toujours en vie malgré ses 153 ans, déjà, vient embrasser la coupe. Il va pouvoir s'acheter un nouveau pacemaker avec toutes les retombées économiques. Oh, je ne sais pas si je vais réussir à me remettre de cette soirée, j'ai eu tellement peur. On dîne ensemble ce soir? Genkai Jones m'avait prévenu que tu allais tenter ta chance. Bon, allez. Oui, c'est d'accord. Tant d'émotions ont donné fin. Yatta! C'est encore mieux que la fin de Peach Girl quand Momo choisit finalement Teiri à la place de Toji. Eh, mais c'est pas sympa, j'étais juste sur le point de commencer ce manga. Et tout de suite sur Otaku Radio Live, un peu de musique, on vous rend l'antenne. Enfin dehors. J'en avais marre des journalistes qui me lâchaient plus. Heureusement qu'il y avait Jean-Claude Van Damme qui est passé par là. Ça m'a permis de m'éclipser. Je sais pas ce qu'il foutait là. La vache, entre les émeutes et le robot géant, c'est carrément le bordel à l'extérieur du stade. Hop, taxi! Vers l'aéroport, s'il vous plaît. Et ben voilà. Encore une année qui se termine. Mais pas du tout en fait, qu'est-ce que je raconte? On est qu'en juillet, j'ai même pas encore fêté mes 12 ans. Et ça m'a paru hyper long cette Coupe du Monde. Le pire c'est qu'ils en organisent plusieurs fois par an, c'est complètement débile. Oh là là, mais c'est quoi tous ces messages et emails? Je le savais que j'aurais pas dû acheter un portable moi, hein. Alors voyons, The One, bien rentré à l'hôtel avec Will. Comme tu le sais, mes autres frères ont survécu au coup de grisou grâce à une poche d'air dans la mine. Maman veut qu'on tape du caillou tout le reste de l'été avec Wersi, Wed et Worsh pour compenser. D'ailleurs, elle dit que tu es le bienvenu à la maison tout le reste de l'été. Ouais, je vais peut-être faire l'impasse, hein. Arid, tu veux boire un verre avec les otaku les plus hirsutes de ta région? Envoie Arid au 6-82-58. Allez, les spams, ça dégage en indésirable. Elmiton, je suis avec mes parents, nous allons rester un peu à Tokyo, j'ai déjà tout un programme de visite prévu. Oula, Shinjuku, Akihabara, Shibuya, tour de Tokyo et on ira... Ouais bon allez, le message est trop long, je le lirai plus tard. Wingman, bonjour Powa, j'espère que tu appréciais le match. Je suis avec les autorités otaku et les perso cop, ils vont emmener Polyakov à la prison d'Impel Down. Ça c'est bien. Peux-tu m'envoyer le numéro de téléphone de Elmiton? Elle a jamais eu l'occasion de me le passer. Je n'ai pas compris ton message. Désolé, je passe sous un tunnel. C'est quoi ça? Numéro inconnu. Bonjour Monsieur Powa, je suis Cheryl Tomoe, professeur de théorisation à Jobar. Nous nous sommes parlé pendant le match. Possible. J'aimerais vous rencontrer car j'ai pu ressentir votre aura. Votre avenir semble très sombre, très très sombre. Contactez-moi au plus vite. C'est sûrement dû à mes problèmes d'odeur sous les aisselles. Vous inquiétez pas, je vais acheter du déo. Hop. Yuya, cher ami de moi, comme prévu, mon père va t'envoyer les prochains numéros du radoteur en ligne gratuitement. Il aimerait t'interviewer concernant la nouvelle loi en vigueur sur la qualité des figurines pop. Je peux pas, j'ai piscine. Quoi d'autre? Monsieur Acho Piwa, nous vous remercions d'avoir effectué le virement pour le méfait accompli. N'hésitez pas à faire de nouveaux appels à nos services. Signé la guilde des ninjas. Ah oui, ça c'était pour l'enlèvement de Dracho, ok. Oui, allô? Ah, monsieur Kintaro. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est la fin de journée à Londres. Alors, comment va le chantier? Terminé? Oh bah super, je vais pouvoir enfin avoir ma cave secrète dans le jardin, yeah! Adieu les pavés du palier du 4 Pouvet Drive. Je vais enfin pouvoir pioncer tranquille. Ah, et n'oubliez pas de bien replanter les rosiers de la tente Pécunia, hein, sur le dessus. Comment ça, un problème? Vous avez mis que 1,80 sous plafond? Mais on avait dit 2,80! Mais je m'en fous que votre chef de chantier se soit gouré! C'était votre responsabilité! Bref, on n'a plus le temps de s'en occuper, maintenant faut passer à l'aménagement, hein? Mon oncle et ma tante seront de retour dans quelques jours. Va pas falloir traîner. Oui, bon, bah, pour le moment ça ira, mais 6-3-4 ans, quand j'aurai grandi, ça risque de faire un petit peu juste. Hein. Bon, on verra à ce moment-là. Dire que je voulais lui donner un surnom super cool comme la Batcave de Batman, mais là on serait plutôt sur une plate cave. Hein, Batman? Non, non, monsieur Kintaro, non, non, je disais juste que c'était Bat-plafond, hein? Bah, ouais, c'est ça. Dis donc, c'est tendu en ce moment avec les comics, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Oui, du coup, vous avez ramené tout ce qu'il faut? Lit, télé, ordi avec connexion, console de jeu, manga et tout le tralala du bon otaku qui se respecte, monsieur Kintaro? Comment ça, un plateau de Go? Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais pas jouer tout seul. Un jeu de Go holographique pour jouer en ligne? Ok, tout le budget est pas passé là-dedans, j'espère. Oui, bon, bah, s'il vous plaît, plus d'initiatives comme ça, monsieur Kintaro, c'est clair? Bon, allez, au revoir. Ouais, et ben, je crois que je vais pas avoir le choix que d'aller chanter avec Sexy Tina pour rembourser tout ça, moi. Bon, alors, il me reste un email de prof.madamingal@jobar.com. Mon cher choupinou de monsieur Powa, en raison des récents événements survenus à Jobar, l'école des otaku, vous devrez vous rendre à Tokyo le 1er septembre à 8h heure locale, afin de passer vos examens de fin de première année. Ah, c'est bête, j'y suis, là, à Tokyo. Ils auront lieu à l'université de Todai. Ah bah c'est Limiton qui va être contente, elle a toujours voulu y aller pour trouver un mari. J'espère qu'un jour je me marierai avec un diplômé de Todai. Ça serait le rêve! Dans l'attente d'une reconstruction de Jobar prévue pour janvier, vous serez accueillis temporairement dans une autre école d'otaku. Les filles seront admises à l'académie Basara en France et les garçons à l'institut Berserk en Bulgarie. Sérieux? Les détails du ramassage scolaire vous seront envoyés ultérieurement. Si on n'est plus avec Kelmitan, sur qui on va copier les devoirs? Oh non! Vous serez soumis au règlement intérieur du dit établissement, y compris à leur méthode de répartition. Une minute. Il nous avait dit quoi à l'époque, Wingman Lukum? C'est en fonction de la popularité ou de l'argent. Si tu as assez d'argent et plein de goodies, ou si tu es aussi beau et doué que moi, tu vas dans la maison Dreamland. En dessous, il y a les Gantz, et les rebuts vont dans la maison des Kimengumi, mais rien n'est acquis. Monsieur Nova tient à ce que le prestige soit respecté. Mince, mais alors du coup, je serai sûrement plus avec One. Mais attends, ça veut dire que je vais me retrouver dans la maison Dreamland avec Dracho? Oh non! Les cours de japonais en langue vivante 1 auront lieu chaque semaine 2 fois 2 heures pour les élèves à partir de la deuxième année en plus de leur programme standard. Oh non! Pour les garçons, veuillez noter que les cours à Berserk commenceront à 5h du matin par 2 heures de footing dans les montagnes, de quoi? Oh non, la flemme. Et c'est pas fini, vous devrez vous munir d'un dispositif high-tech de réalité augmentée de type Ordinal Scale pour vos cours de sport. Je crois que j'en ai vu au chemin des perverses, ça ressemble à un kit main libre en oreillette mais qui projette des images devant les yeux. Ça coûte une blinde en plus. Attends, mais ça veut dire que la prochaine version de l'Angelic Killer sera plus en virtuel, mais en réalité augmentée? Genre qu'on va devoir courir, sauter et se bastonner pour de vrai? Oh non... pas sûr que je sois pris comme speed jumper dans l'équipe d'Aka cette année. En vous souhaitant une bonne fin de vacances, Jobarman vôtre. Bisous, directrice Madame Ingall. Être otaku, c'est pas de tourpeau. En vrai, je me demande, c'est pas encore trop tard pour s'inscrire à un collège normal ?